Cette année encore, nous sommes partenaires du Metal Fest 09 pour sa troisième édition qui aura lieu en novembre prochain à Saverdun. Cette année encore, on va essayer d'interviewer le maximum de groupes qui seront présents lors de cette troisième édition. Et pour commencer en beauté, on va commencer avec le groupe Soojin, avec Matt et Steve, guitariste et guitariste du groupe. Salut les gars et merci d'avoir accepté cette interview. Salut, salut, bah avec plaisir. Salut Nico, avec plaisir. C'est Steve, il y a un petit accent. Voilà, Steve, pardon. je suis habitué, hein, tu m'aimes bien. Bah, merci de nous recevoir, en tout cas, c'est cool. Écoutez, moi ça me fait plaisir de pouvoir parler de vous et de pouvoir parler un peu de tous les groupes qui seront à la programmation de ce festival cette année. C'est encore une grosse édition qui se prépare. On reviendra un petit peu sur les autres groupes, sur tout ça après, mais déjà on va commencer à parler de vous. Moi je voudrais bien qu'on commence à parler un peu de votre histoire. Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça a démarré. Combien vous avez d'albums? Ça, je peux déjà y répondre. Pour l'instant, c'est un. Voilà. Mais voilà, un peu que vous me racontiez un peu comment Soojin a vu le jour et qui est-ce que vous détestez dans le groupe? William Barbier. Alors, du coup, l'histoire, ça remonte à quelques temps maintenant, parce que en fait, Soojin, c'est un peu l'évolution de Whisper Knight, qui est un groupe qui était de Laval, qui a maintenant une dizaine d'années. Mais je ne peux pas parler des origines du groupe parce que je n'en fais pas partie. Moi, j'ai rejoint l'aventure Whisper Knight bien, bien après. Et c'est au moment où je suis arrivé, Matt n'était pas encore dans le groupe, qu'un changement assez drastique a eu lieu. C'était le premier changement de line-up. L'ancien guitariste est parti et j'ai pris sa place. Et on a composé l'album ensemble avec les gars en. Je perds le fil, Il est 2022, sorti en je crois. 2024. Sorti 2024, donc ça doit être composé 2022, il me semble. Et au moment où on l'a composé, comme à la base c'était surtout Julien, chanteur-guitariste à l'origine, qui composait tout, et au moment où je suis arrivé, j'ai participé aussi à la composition. Forcément, il y a pas mal de choses qui ont changé dans la partie direction artistique, dans la DA du groupe, et il y a tellement de choses qui ont changé qu'on s'est rendu compte que l'évolution ressemblait presque plus à Whisper Knight et c'était trop gros quoi. Et on s'est dit, faut qu'on vraiment se pose les bonnes questions parce que est-ce qu'on est sûr de vouloir garder ce nom-là? Est-ce qu'on est sûr que c'est le même groupe? Est-ce qu'ils ne voudraient pas faire table rase et repartir de zéro? C'est la décision finalement qu'on a prise au bout de quelques mois de réflexion. Donc on a tout pété, on a tout reconstruit et donc Soojin a vraiment. Est vraiment né de ses cendres dans cette période-là, en fait, donc 2022, officiellement 2023, quelque chose comme ça, officieusement 2023, mais officiellement sur les réseaux, je crois que c'est 6 mois ou un an après, quelque chose comme ça. Ok, ouais, je ne suis pas remonté Julien. jusqu'à votre première publication. Non, non, t'as raison. Julien, qui était chanteur et guitariste, il a enregistré les guitares sur l'album avec moi. On l'a fait tous les deux. Au moment de l'enregistrement de l'album, on s'est rendu compte que c'était plus ambitieux au niveau du chant. Il y avait quand même nettement plus de travail, il y avait nettement plus de palettes à explorer. Et il s'est dit que réussir à tenir les parties de guitare qui étaient quand même plus complexes que sur les albums, sur les EP, pardon, de Whisper Knight, plus le chant, ça allait être chaud. Ça allait être très très chaud. Donc du coup, la décision a été prise de il lâche la guitare, il se concentre que sur le chant, et il fallait trouver quelqu'un. Et c'est Coucou là que Matt. Matt arrive. Coucou. Tout à fait, tout à fait, tout C'est à ça. fait. Donc, on a pris le temps de reconstruire tout ça, de réfléchir le show différemment, de réfléchir le groupe différemment, l'imagerie, comment dire, les inspirations du groupe, comment on voulait travailler. Enfin, forcément, l'énergie générale du groupe a un petit peu changé. Il a fallu qu'on s'y retrouve. Il a fallu réussir à avoir vraiment des bases saines, quoi. Donc forcément, c'est pas si simple de réussir à trouver une nouvelle méthode qui convienne à tout le monde. Donc il a fallu du temps, et ça s'est pas du tout fait sur le premier album, et je pense qu'on commence à l'avoir, et que c'est relativement récent, en réalité. Ça fait quelques mois, je pense, que c'est cool. On travaille bien ensemble, ça se prend moins la tête. Bon, c'est un groupe, hein, forcément qu'il y a des prises de tête, c'est normal, mais c'est quand même beaucoup plus carré, on est plus content, ça se voit qu'on va dans la même direction et qu'on sait ce qu'on veut surtout. Là, sur le Ouais, en plusieurs fait, albums, on sait qu'on sait ce qu'on veut. ouais, c'est ça. Il a fallu s'apprivoiser et apprendre à travailler ensemble, quoi. Ouais, Ouais. complètement. Oui, bien sûr, c'est aussi un travail de se connaître et de travailler avec les autres. C'est ça. Justement, je trouve assez intéressant ce que vous me dites là par rapport au fait que vous avez eu du mal à vous comprendre, en tout cas les uns les autres, parce que sur votre premier album, il y a énormément d'influences d'un morceau à l'autre. Il y a plein de choses qui varient et justement, ça montre bien ce côté que vous aviez plein d'idées, mais que vous avez peut-être eu du mal à certains moments à faire un choix tranché dans votre direction musicale. Mais à côté de ça, je trouve, enfin, moi personnellement, cet album intéressant et déjà très très sympa. Merci. Moi, ce qui m'intéresse parce que vous l'avez un peu catégorisé dans métal moderne, mais ce qui est le grand fourre-tout de la décennie, on va dire. Oh bon, on le sait très bien, hein, c'est pour ça qu'on s'en coupe moi, ce qui là-dedans. m'intéresserait, c'est de connaître un peu vos influences, justement, pour peut-être un peu mieux parler aux gens que juste dire métal moderne, parce que Ouais, c'est un fourre-tout. Et en plus, ce que j'ai trouvé cool, c'est que moi, je suis arrivé, je ne connaissais pas le groupe, j'ai commencé à vous écouter, j'ai dit métal moderne, et immédiatement, j'ai eu en tête. Vous voyez, des sons un peu électro, des refrains pop, le metalcore récent, quoi. Donc j'ai été agréablement surpris justement quand j'ai pas retrouvé ces choses-là, mais d'autres choses. C'est pour ça que je voudrais que. Voilà, allez-y, parlez-moi de vos influences. Et bah, je peux déjà parler des influences du premier album parce que ça change un petit peu sur le deuxième. Donc là, tu pourras en parler un peu plus pour la suite. Donc c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu. On a des idées, on les met toutes. Donc on voit comment ça se traduit, on voit qui a envie de dire quoi et on tente des trucs. Et ça n'a pas été spécialement conscient de on veut mettre ci, on veut mettre ça. Ça s'est fait assez naturellement. Et c'est après coup, on s'est posé, on dit, tiens, c'est marrant, il y a des vibes, donc je vais citer justement des groupes d'influence qui peuvent faire sens, qui peuvent faire penser, par exemple, à du Children of Bodom. Il y a beaucoup de trucs qui sont inspirés de ça. C'était l'influence principale de Julien, surtout quand il composait à la guitare. Il y a eu deux, trois riffs qui vont faire un peu Trivium. Il y a eu probablement des breaks un peu. Je réfléchis à cet album-là parce que du coup, c'est pas celui-là que j'ai en tête, là, c'est l'autre. Ouais, des trucs un peu plus metalcore, Where She Sleeps, des trucs comme ça, le jeu de batterie de Liam. C'est très ça, c'est très metalcore un peu plus moderne. Mais les riffs de guitare et la conception générale des structures, tout ça, c'est pas trop ça. Donc, il y a eu un petit peu un mélange un peu entre du death metal, un peu old school, du metalcore. Un peu à la fois vintage, parce que dire le metalcore vintage c'est un peu galvaudé, mais Tu genre remontes aux années années 2000. 2000, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas trop vintage non plus, pas le metalcore d'aujourd'hui, pas Spirit Box, pas tout ça. Donc il y a un petit peu de ça, il y a eu des passages un peu plus death, un peu plus black sur deux trois trucs, mais il n'y a pas de groupe forcément. Ça va être une empreinte harmonique, ça va être une façon de concevoir un certain groupe, des trucs qui blastent ou je sais pas quoi. Il n'y a pas forcément de bah tiens, ça fait penser à Eddie Gates ou Morbid Angel ou je sais pas quoi. On se retrouve sur quelques groupes et chacun d'entre nous a un peu une sphère différente des autres. Ça que je trouve cool, c'est qu'on a vraiment des groupes où on arrive à se mettre d'accord. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns où vraiment on se dit ok, c'est ça. Et il y en a quelques autres. Où vraiment on se dit, alors lui il aime ça, moi je peux pas blairer. Moi j'adore ça, lui il peut pas blairer. Et en fait, même on va pas le mettre dans le groupe, mais ça transparaît forcément d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a un petit peu de ça. Il y a eu ça avec Ginger par exemple. Moi j'adore Ginger, les autres pouvaient pas blairer ça du tout. Et sur un morceau qui s'appelle Dagon, j'avais écrit un riff qui faisait pas mal Ginger, et on m'a dit non. Donc j'ai fait, bon, bah, je vais trouver un moyen de le faire. Donc, en fait, je l'ai mis deux octaves au-dessus, je l'ai mis en guitare clean, et puis j'ai riffé différemment en dessous, et puis ça donnait le pré-refrain, et du coup tout le monde était content. Donc moi j'ai mon petit truc, et en même temps, la patte est complètement différente, on a réussi à s'y retrouver. Donc il y a Ouais. un petit peu des éléments comme ça à droite, à gauche. Je sais pas si ça répond bien à la question ou pas. Ouais, non, c'est exactement ça. Bah, j'allais même rajouter dans certaines parties un peu plus riff, classique, je retrouve même du heavy un peu plus traditionnel, tu vois, à la façon de jouer. Et même sur un titre, il y a un chant qui est quasiment grind. Vraiment, un peu tout, ça, c'était très très sympa à écouter, justement, d'essayer de retrouver à chaque fois les petits éléments, de me dire, ah, là, il y a ça, là, il y a ça. Non, mais ouais, tu réponds bien à ma question, je trouve, bah, vous avez mis un peu de tout et vous avez travaillé tous ensemble pour, enfin, au moins à deux pour que tout colle bien. Et du coup, ben, j'en Yes. profite pour vous lancer, parce que vous me le disiez en off juste avant de démarrer, vous êtes en train de préparer votre deuxième album. Et donc, les influences vont peut-être un peu bouger, ou en tout cas la façon de travailler a un petit peu bougé. Les Matt, deux. voilà. Matt, peut-être que tu vas plus nous en parler, parce que on va te laisser la parole aussi un peu. Ouais, bah, en même temps, c'est logique que je parle pas, puisqu'on était sur l'ancienne période du groupe, donc je suis pas tellement concerné. Mais ouais, on est sur la fin de l'écriture, début de la pré-production du deuxième album là. Et moi, je suis content parce que en fait, je suis arrivé dans le groupe au moment où il fallait jouer le premier en live, mais sur lequel j'ai pas du tout composé. Donc à la fois, je me suis fait les dents sur le répertoire du groupe et en même temps, c'est frustrant, c'est pas le mot, mais il y a un côté un peu étrange voilà, de rejoindre un groupe plein temps qui demande déjà un bel investissement et en même temps de rien avoir fait dessus d'artistique, parce que vraiment je suis arrivé, l'artwork était déjà décidé, les compos étaient déjà faits, les clips étaient déjà calés, pas tournés mais calés. Donc j'ai eu aucun mot à dire sur la direction artistique, alors que là justement j'ai trouvé ma place, quoi. À force de. Alors, déjà, parce que ça fait quand même, quoi, 2 ans, 2, 3 ans que je suis là, donc on a appris à se connaître. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, parce que, en fait, avec Steve, on travaille beaucoup, beaucoup. On a beaucoup travaillé les parties guitare du premier album ensemble. Et puis on a énormément travaillé justement sur le deuxième. Au démarrage, ça n'a pas forcément été facile parce que lui avait ses habitudes de composition du premier. Moi, j'ai mes habitudes de compo perso aussi qui sont assez différentes. On a aussi des goûts très très différents. On arrive à se rejoindre, comme il disait tout à l'heure, voilà, quelques territoires. Mais moi, je viens beaucoup beaucoup plus alors à la fois du synfo dans sa globalité, que ce soit le synfo de base, le synfo, enfin le death synfo, le black synfo, et aussi beaucoup beaucoup du metal moderne dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le metalcore un peu actuel avec des influences électro, des influences pop, tout ça, c'est beaucoup plus ma came. Et je suis sans doute le seul enfin le plus orienté dans cette direction-là dans le groupe, avec le batteur un petit peu, mais ce qui fait que du coup, à la fois, je connaissais le style Soojin parce que j'avais appris toutes les compos du premier album sans avoir eu à composer dessus, et en même temps, je pense que une fois qu'on a réussi à définir notre méthode de travail avec Steve, je pense que j'ai pu amener un peu de fraîcheur, quoi, dans les compos, une autre approche. Et là, on n'a qu'une hâte, c'est de commencer à les taffer sérieusement pour les enregistrer et les jouer, parce que ça va défoncer. Okay. Vous prévoyez une sortie pour quand? Ou vous espérez une sortie pour quand? Oula! Vaste sujet. Bah, 2026. normalement, ouais, Un c'est grand ça, demi, normalement. très largement 2026. On doit travailler avec le label pour voir le rétro-planning, tout ça, donc c'est pas encore acté. Les discussions commencent gentiment. On prépare déjà le studio. Normalement, on devrait savoir avec qui on le fait, mais c'est pas sûr. Moi, je préfère rien dire. Je ne vais pas me porter la guigne. Normalement, on devrait savoir. Une fois que ça c'est fait, le reste, ça va aller beaucoup plus facilement. Là, pour l'instant, c'est vraiment toute la préparation qui est un petit peu chiante. L'album, ça fait un an qu'on y est, puisqu'en fait, on a commencé à démarrer, on a fait le démarrage de la compo l'été dernier. En juillet dernier, on s'est dit, vas-y, on donne un coup de collier. Et on a réussi à écrire un peu, à J'allais dire, on n'a début pas gardé faire. grand-chose. Ouais, Je c'est ne ça. sais pas si on a gardé grand-chose des premières sessions, mais Bah, ça a c'est un peu permis brouillé. de, ouais, ça a permis Beaucoup brouillé. de poser certaines bases et puis de comprendre comment on fonctionnait, quoi. Puis de voir les influences, parce que comme Matt disait, voilà, on ne cherche pas forcément la même chose, en tout cas de prime abord, dans les morceaux. Ce qui fait qu'au début, on n'était pas d'accord forcément sur des directions. Donc il a fallu qu'on cherche pendant des mois, et au bout d'un moment, on a réussi à se retrouver autour un petit peu d'une DA générale. C'est le groupe Bleed From Within qui a pu nous caler, en dire OK, on écoute ce qu'ils font, on voit comment ils construisent ça, et on essaye de s'en inspirer, sans évidemment faire un copier-coller, bien sûr que non. Mais de garder nos influences et d'avoir un petit peu cette espèce de ligne directrice. Et à partir de ce moment où on s'est dit ça, tout le reste s'est découlé facilement. Et même des trucs qui n'ont rien à voir, hein, des trucs complètement aux antipodes. Mais on s'est compris à ce moment-là. Et à partir de ça, tout le reste a été facile. C'est ça. En fait, ce qui nous a intéressé dans chez Bleed From Within, en tout cas les deux, trois derniers albums, c'est vraiment comment est-ce qu'ils arrivent à mélanger quelque chose d'assez comment dire, traditionnel, sans justement les espèces de gimmicks pop, le chant clean systématique, les Les breakdowns tout cabines, le etc. temps, tout ça, enfin, et les sonorités hyper modernes. Et comment est-ce qu'ils arrivent quand même à moderniser ce truc-là dans la production, dans quand même quelques petits emprunts justement à tout ce qui est justement Spirit Box, tout ça. Comment est-ce qu'ils sont allés piocher juste légèrement pour voilà, donner un coup de frais à quelque chose qui part quand même d'une base solidement traditionnel quoi. Et en fait, on a réussi à. Je crois que c'est le groupe qui faisait un peu l'unanimité chez nous. C'est-à-dire qu'on s'y retrouvait tous un peu et on s'est dit, mais en fait, si eux ils arrivent, on va y arriver aussi, quoi. Ben, justement, nous on a parlé sur dans notre média le mois dernier de Bleed From Within, et on disait que ben justement c'était eux faisaient encore bien cette transition entre le metalcore ultra popisé moderne et le metalcore un peu plus traditionnel à l'ancienne. Donc c'est ouais, je comprends, je vois bien ce que vous voulez faire, et justement je comprends aussi que ça peut coller et faire une suite naturelle à votre premier album qui était justement ben, avec les standards dont on a parlé juste avant. Tout à fait. C'est ça, et aussi en fait on a eu tellement plus de temps pour tout écrire, tout arranger. Là, comme je disais tout à l'heure, ça fait à peu près un an qu'on y est. On sait très bien qu'il y a des arrangements qui ne sont pas finalisés, et on se laisse le temps pour finaliser ça, pour réfléchir à... Je sais pas, un break de batterie, du layering qui va rajouter un truc ou je sais pas quoi, pour vraiment avoir la touche qu'on veut et qui soit pertinente, qui serve la musique. Là où on n'a pas eu le temps de faire ça pour le premier album, donc ça a été fait très rapidement. En réalité, le premier album, allez, en 3-4 mois, tout était bouclé. Et après coup, quand on le réécoute, on se dit, putain, c'est con, on n'a pas été assez loin. Il y a eu des choix qui ont été faits rapidement, et si on avait eu 6 mois de plus, c'est sûr qu'on aurait fait autrement. Donc là, on a eu le temps de vraiment mélanger, en tout cas on espère, et de faire en sorte que tout soit homogène, que ce ne soit pas un copier-coller d'un truc qui existe, et que nos influences du premier album soient toujours là. On entend toujours d'autres trucs, il y a toujours des machins qui vont faire penser à, je sais pas, du Machinet, de Sepultura, du Ginger ou autre, mais qu'on ne le capte pas forcément à la première écoute, et que c'est vraiment une âme spéciale avec des sonorités un petit peu empruntées, mais discrète, pas vraiment comme étant partie essentielle du morceau. Je sais pas si c'est très clair. Ça et puis comment tu vois la cohérence du premier album qui parfois justement pouvait être un petit peu trop diversifié entre guillemets, donc du coup parfois peut-être pas si, enfin un poil décousu. Là justement l'objectif ça a été vraiment de travailler ce truc-là et que même si on injecte des nouvelles choses dans les morceaux, et que chaque morceau a son caractère un peu distinctif, que vraiment l'ensemble soit cohérent, parce qu'on savait que c'était quelque chose qui pouvait manquer au premier album. Donc on a vraiment bossé là-dessus. Bah, écoutez, je vais rebondir un peu sur ce que vous dites. Donc, votre grosse actualité, forcément, c'est la création de cet album. Et est-ce que vous avez aussi un peu d'actualité, concerts et autres en vue là dans les mois à venir? Bon, on va parler du Metal Fest 09 pour terminer, mais est-ce que vous avez d'autres choses autour? Il y en a, mais comme dans notre groupe, on a un peu séparé les rôles. Chacun va s'occuper des trucs différents. La partie artistique, de manière générale, genre les albums, tout ça, plutôt Matt et moi. La partie booking, c'est plutôt Liam. Et je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire. Donc, D'accord. je ne veux pas Allons-y dire directement. trop. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que en dehors du Metal Fest 09, on a quand même un gros truc à la fin de l'été, mon cher Oui, quand Steve, même. qui est le VNB Fest, qui est un gros festival organisé par l'enseigne VNB, qui est pas seulement un festival de métal, mais qui regroupe absolument tous les styles. Donc il y aura des grosses têtes d'affiche. Aussi bien sur le plan métal que sur le plan musique populaire. Donc c'est déjà un sacré truc parce que c'est aussi ça à préparer pour nous en plus, parce que c'est une vraie belle scène, c'est une grosse scène. Donc on a encore moins le droit de se louper que sur les autres. Et puis ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que on a plusieurs plans qui se dessinent un peu à travers toute la France pour la fin de l'année. Voilà. On Il y en a peut. quand même plusieurs, il y en a un petit peu partout. C'est plus de 2, c'est moins de 10 sur la fin de l'année. Voilà, on va dire ça comme ça. mais il y a des trucs qui sont On a encore prévu à de bouger un créer. peu. Ok, bah c'est cool On a déjà prévu pour de bouger un pouvoir peu. commencer à se remettre en route après avoir passé du temps à enregistrer et tout, Ben c'est ça, ça et doit être puis top. nous il faut en fait il faut qu'on garde en tête que même si pour nous le deuxième album il est très très frais et très présent dans notre tête, en fait il n'est pas sorti et on a toujours le premier à défendre. Donc et il faut qu'on enfin c'est un truc à entretenir parce que c'est quand même des compos dont j'allais dire on est fiers, mais dont les gars sont fiers et qui sont super, qui marchent très bien en live. Donc vraiment cet album-là il mérite qu'on le défende jusqu'au bout, quoi. Bien sûr. C'est vrai que c'est rigolo parce que le Metal 09, c'est fin novembre. A priori, nous, guitare, basse, batterie, ce sera enregistré. La voix, je ne sais pas encore. Donc nous, on sera vraiment dans notre tête full deuxième album. Et quand on arrivera là, et ben, en fait, pas du tout. Et ça sera vraiment full premier album à défendre sur scène. Donc il y a un truc un petit peu étrange à vivre à ce moment-là. Je pense que ça va être rigolo. Bah, peut-être que vous aurez l'occasion aussi de tester un ou deux petits nouveaux morceaux en live à ce moment-là. C'est pas possible, hein? C'est pas possible, on verra. Possible. Ah, ça va forcément vous titiller un peu de vouloir tester tout ça. Ouais. Ouais, Bah c'est ouais, toujours donc aussi. enfin voilà, on a commencé à faire des essais déjà forcément pour voir comment ça fonctionne en contexte et c'est vrai que ça nous démange, ouais. Ouais, carrément. Au VNB, on prendra pas le risque, évidemment, mais il y a moyen que petit à petit, ouais, c'est Oui. sûr, quand même. Et puis On verra. la grosse force aussi pour les artistes au Metal Fest 09, c'est que bah, globalement vous avez droit à 1 heure. Donc si vous avez besoin d'étirer un peu justement pour tester quelque chose, c'est aussi l'occasion de le faire. Là où bah, peut-être que sur le VNB vous n'aurez pas autant de temps sur la Ah ouais, scène. Voilà. non. Aucun Ouais, intérêt, aucun intérêt. et puis on a zéro marge de manœuvre, quoi. Il faut Oui. surtout pas. C'est pas le moment de tester des trucs du tout. Oui. Là où Mais dans ouais, l'Ariège, pourquoi on pas? sera tous très contents de découvrir sur les minutes un peu de rap de votre set des petites nouveautés. Ah, bon, on va y penser. Eh ben, s'il y a un rappel, pourquoi pas? Ah bah, Yes. c'est l'idée. Du coup, je vais rebondir un peu sur votre présence au Metal Fest 09. Alors, si j'ai bien tout suivi, donc vous venez de Laval et il y a un petit lien avec le Metal Fest 09 déjà qui s'est fait par rapport à la prog de l'an dernier. Parce que je crois que Tout à fait. quelqu'un a un père qui joue dans le groupe Darken, qui C'est était ça, donc tête c'est d'affiche le là-bas. batteur Liam. D'accord. Tout à fait. Voilà, donc je C'est le suppose que. seul qui est encore à Laval. D'accord. Tout le monde est originaire de Laval à l'origine de Whisper Knight. Et depuis, la plupart ont migré du côté de Rennes. Donc on est tous à Rennes. Sauf Matt qui est à Quimper à l'heure actuelle. Je suis au D'accord. bout du monde. Oui. Après, c'est l'eau. Après, c'est nous, oui. D'accord. Et du coup, est-ce que bah justement, alors c'est plus Liam qui s'occupe du booking, si j'ai bien suivi, mais je suppose que ce pré-contact, enfin, ces intermédiaires ont dû aussi aider à connaître le Metal Fest 09 et à y postuler pour cette année? Bah oui, Bah parce oui. qu'en fait, enfin, non seulement ça, et puis en plus, les retours qu'on a eus de la part de Darken ont été hyper positifs. Donc forcément, ça encourage, ça donne envie d'y aller, quoi. Et alors, est-ce que vous êtes intéressé un petit peu à qui je vais jouer avec vous, un peu la programmation, ou vous n'avez pas du tout eu Oui, bien l'occasion sûr, bien sûr. bah Carrément. Moi, je trouve que c'est alors, une... que je sache, il n'y a personne qui vient de votre région, si j'ai bien fait mon travail. Vous êtes un peu ceux qui viennent du... Bon, si on oublie les Brésiliens, vous êtes les Français qui viennent du plus loin. Yes. Parce que bon là cette année voilà avec le groupe brésilien forcément personne peut lutter en termes de kilomètres C'est ça. voilà mais est-ce que vous avez des groupes justement que vous connaissez un peu personnellement ou non ou en tout cas que vous êtes intéressé par voir écouter Bah, personnellement, enfin, moi je les connais, enfin, aucun de nous les connaît personnellement, mais ouais. le groupe Perséphone, c'est un groupe que je suis et que j'écoute depuis des années, et pour moi, c'est une petite milestone de jouer sur la même scène le même jour. Enfin, quand j'ai vu leur nom, j'ai un peu sauté sur ma chaise. Ah ouais, c'est une grosse dinguerie. Puis il y a Ah, eu Theory aussi avec qui on a joué au Get the Riff à Laval en octobre, je crois. Avec qui ça s'était plutôt bien passé. On n'a pas eu l'occasion d'échanger beaucoup, c'était très cordial c'est vrai. de loin, tout ça. Mais c'était plutôt une bonne expérience. On se dit, bah tiens, c'est cool de les retrouver à un endroit qui n'a rien à voir dans la France, c'est marrant. Grave. Et leur show est super par contre. Enfin, on n'a pas. Moi, j'ai discuté un tout petit peu avec certains membres et ils sont adorables. Mais par contre, ouais, on avait bien kiffé leur concert. On en a pris plein la tronche. Oui, d'après ce que j'ai pu voir, c'est très très visuel, théorie, comme Bah show. d'accord. Musical, on adhère pas le cyber metal, mais ouais, visuellement ils ont vraiment travaillé leur truc. Super. Il y a un show, ouais, carrément. Ok, ouais. Mais après, c'est Et les aussi. autres groupes, on ne les connaît pas. Oui, bon après, c'est aussi logique parce qu'il y en a plusieurs qui sont un peu plus locaux, on va dire, pour nous. Enfin, en tout cas, qui sont un peu plus dans la région et qui, du coup, tournent beaucoup plus dans la région que forcément monter à Laval ou même en Bretagne. Mais oui, cette année encore, on a une belle programmation très diversifiée et bah, ça fait plaisir de vous y retrouver. En plus, sur une place de choix, hein, sous tête d'affiche. Carrément. Carrément, carrément. On n'est pas mécontents. Ah bah non, non, je suis loin de là. Ok, bah écoutez, ça fait plaisir d'avoir pu discuter avec vous. Moi, j'en ai terminé avec mes questions. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, bah, c'est avec plaisir. Et sinon, on va juste se dire au revoir, inviter les gens à aller vous écouter et à venir vous découvrir sur scène au Metal Fest 09 ou ailleurs si l'interview est. Enfin, si l'interview est vue ailleurs, mais déjà au Metal Fest 09, vu que c'est le cadre d'aujourd'hui. Yes. Ouais, bah carrément. Bah, déjà, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci pour tes questions qui étaient hyper pertinentes. Et puis, ouais, allez écouter le premier album. Allez voir les clips sur YouTube parce que vraiment, on s'est défoncé pour les clips. Ils sont vraiment très beaux. Et puis, on se voit en novembre. Ça. C'est ça, et puis soyez patients, du très lourd arrive. Ah. Yes. Salut les gars, merci beaucoup. Merci à toi, Merci à ciao. toi, bonne soirée.